Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade pour la plage, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, l'armée française des rues de Paris au désert du Sahara, une série de Raphaël Kraft réalisée par Guillaume Baldi. Au départ de cette série, il y a un documentariste ancien engagé et l'envie de dire que la raison d'être du soldat, c'est la guerre, la défense du territoire, la violence et donner la mort ou être tué. Il y a aussi le souci de redorer les blasons et de comprendre ce qui pousse à s'engager. Patriotisme, désir d'aventure, envie de prendre sa mesure mais toujours le poids du réel une fois sur le terrain. Et puis il y a ces 6 jeunes hommes et femmes envoyés au Mali qui vivent dans la peur, la violence et qui ne sont pas à l'abri d'une mine. Alors pour commencer, les personnages. Une compagnie à la vie, à la mort, des jeunes de 20 ans, une section du génie, le lieutenant Rémi, des chiens renifleurs, le sergent Maxime, une médecin militaire, un brancardier, un blessé alpha et piou-piou. Ensuite le décor. Le nord du Mali, le désert, la chaleur, la poussière, des lessives impossibles, des lits de camp, des échecs scolaires, des errances, des modèles ou l'absence de modèles, une explosion, le sang, l'horreur, l'obéissance, l'amertume, de la semoule et des coquillettes et la peur du retour. Aujourd'hui, deuxième épisode, dans le véhicule blindé, il fait trop chaud. Attention, attention, attention. Ceci est un message de la force Barkhane. La force Barkhane n'est pas une menace pour vous. Ça ressemble à quoi, Abeibara? Abeibara? C'est pas un centre de vacances. C'est un camp, un camp avec toute une compagnie qui est présente, où on a le strict minimum au niveau hygiène et sanitaire. Ah oui, c'est pas du 4 étoiles. Hein. Donc oui, c'est ration de combat avec quand même quelques améliorations. C'est un trou pour aller faire ses besoins. C'est des douches relativement bien améliorées quand même, bien construites malgré les conditions. Sans réalité. Sans réalité, contrôle de l'objectif 11-12 bien déterminé d'ici 15 ans. Au Mali, faire la guerre à 20 ans. Raphaël Kraft, Guillaume Baldi. Abeibara, c'est des lits picots. Ça sera les douches, malgré qu'on soit dans le désert, ça sera les douches froides le soir grâce à l'eau, puisque c'est la guerre de l'eau. C'est grâce à l'eau qu'on sera allé chercher dans un puits qui est pas si loin, mais qui, à chaque fois qu'on y va, engage la sécurité de chacun parce que... Notamment le 27 novembre dernier. Notamment le 27 novembre, puisque l'ennemi que j'observe constamment a très bien compris que ce point d'eau est un point d'intérêt névralgique pour nous. Il nous a observé, il a vu notre façon de faire, il a réussi à poser une mine sur le trajet qui nous sépare donc de ce puits. Donc toutes ces conditions réunies, des tirs mortiers, toutes les heures de la nuit pour souvent montrer à l'ennemi, voilà, on est présent, attention, ne vous approchez pas, on a les capacités de riposter, voilà, c'est beaucoup des tirs d'intimidation. Quand un mortier de 120 tire ou de 155 tire à côté de votre lit à 3h du matin, bon, voilà, l'ennemi est réveillé, mais nous aussi. Toutes ces petites choses de la vie quotidienne de chacun prennent des proportions assez extraordinaires pour des gens qui n'ont pas l'habitude. En plus, ça dure, hein, c'est ces 3 mois. Donc, voilà, Abeibara, ça restera dans les consciences collectives et on en reparlera pendant encore quelques années à la popote, comme tu dis. J'aimerais bien que tu m'expliques comment ça se passe, le fonctionnement d'une mine. La méthode actuelle d'harcèlement des groupes armés terroristes vis-à-vis des convois de la force et des détachements en progression, c'est qu'ils nous suivent à distance, Ils identifient à peu de choses près notre direction et nos itinéraires possibles à emprunter. Et puis, quelques kilomètres en avant de nos convois, ils posent des engins explosifs. Alors, ces engins explosifs, ça peut être des mines anti-char. Voilà. Ils creusent un trou, ils placent la mine là où ils estiment que nous allons rouler. Ils remettent de la terre dessus et puis ils attendent qu'on roule ou pas dessus. Voilà. Si on roule dessus, bah, accident, et puis après, bah, faut que l'on gère à la fois le dépannage du véhicule et puis évidemment en priorité les blessés. Et puis si on roule pas dessus, bah, il la récupère une fois qu'on est passé et puis il nous la repose sous les roues ultérieurement. Voilà. Donc ça, c'est l'essentiel du risque engin explosif. C'est mis en place en avant de nos dispositifs lorsqu'on est en déplacement. Samedi 10 décembre. Vers midi, on va partir donc faire une opération avec la compagnie verte, n'est-ce pas ? Et au sein de la compagnie verte se trouve une section du génie qui est commandée par un jeune lieutenant. Donc lieutenant Rémi. Donc ouais. Du 3e régiment du génie, qui est situé à Charleville-Mézières, donc dans les Ardennes. Et qui donc une compagnie, donc la 4e compagnie qui a été créée cette année. Et donc ma section qui a été donc elle créée au mois de juin et que j'ai rejoint justement en sortant d'école d'application à ce moment-là. Donc il y a seulement 3-4 mois maintenant. Tu as quel âge, Rémi ? Donc j'ai 25 ans. D'accord. Et tu commandes combien d'hommes ? Donc actuellement je commande 28 personnels, mais il arrive qu'en cours de mission on m'ajoute un groupe par exemple de drones ou de maîtres chiens, qui fait que je peux avoir la main sur un peu plus de personnes. Ça consiste en quoi votre job, le génie, ici au Normalie ? Donc notre travail, c'est essentiellement trois grandes missions. La première mission, c'est assurer la mobilité de la force, en quelque sorte. C'est-à-dire que la principale menace étant celle des IED ou des mines, notre travail, c'est dès lors qu'il y a un endroit qui nous paraît suspect, on intervient pour enlever cette menace et permettre aux gens de passer. Ou alors dès lors qu'il y a malheureusement eu un incident, on intervient pour permettre aux médecins d'atteindre les éventuels blessés et permettre à l'ensemble de la force de pouvoir repartir de la zone dangereuse. IED, donc c'est explosif improvisé. Ce sont des engins qui sont fabriqués donc avec tout et rien. Ça peut vraiment être des choses qu'on trouve au supermarché malheureusement et qui sont très facilement fabriquables par l'adversaire que nous avons ici. Mmh. Après, on a un deuxième plan de travail, c'est-à-dire qu'on est ceux qui sont mis en avant lors des fouilles, dès lors qu'on fouille le campement d'un personnel suspect ou d'un endroit où on sait qu'il y a peut-être du renseignement à trouver. Ils ont une formation spécifique pour cela. Et le troisième plan, c'est le plan, on va dire, que nous on appelle sauvegarde-protection. C'est-à-dire que dès lors qu'on arrive sur un nouveau campement, bah, bien entendu, il faut renforcer les murs, mettre en place du barbelé, creuser des fossés. Et eux sont capables de maîtriser les engins et sont capables d'avoir la réflexion pour mettre du sac à terre pour protéger leurs camarades et assurer la défense de nos bases et faire que les hommes puissent reposer sereinement de retour de mission, simplement. Tout seul sur le territoire. Ah non, il y a privé. Putain, j'aurais dû le péter. Ça ? Bonjour. Bon, vous avez pas eu piou-piou hier soir ? Non, on était bloqué par le chef de corps. Ah, bloqué ? Bloqué, ouais. Littéralement. Mais on n'avait pas de bière pour autant. Hein. Ah non, bah non. Puis alors, bière déjà, c'est très rare. Et bière fraîche, c'est impossible. C'est inabordable. Bon, là, les chiens montent dans le PVP. Puis à l'issue, départ vers la position de verre. Les chiens sont venus en hélicoptère d'une ville qui était assez éloignée de la position pour être utilisés ponctuellement, donc pour la matinée, pour des opérations de fouille d'habitation. Voilà. Donc okay. C'est une plus-value très très intéressante puisque le chien, lui, il détecte ce que l'homme ne voit pas forcément ni à la vue ni à l'odorat. Et là, c'est vos hommes, donc du 3e régiment du génie, qui vont s'occuper de la partie génie de l'opération, c'est ça ? Ce sont mes hommes du 3e génie qui vont s'occuper de la partie fouille d'habitation. En complément des soldats de l'infanterie qui, eux, vont effectuer les cordons de sécurité pour que les sapeurs évoluent en toute sécurité, avec l'appui des équipes chiens détecteurs explosifs, pour qu'on évite au maximum de passer à côté de ressources importantes. D'accord. Allez, go. Vous n'avez pas de barbe fumeur, vous ? Comment ? Il est fumeur, votre barbe ? Non. Le mieux, c'est que tu sois là pour parler au mec. Ouais. Ici en dessous de mon siège, vous avez des cale-pieds. Si vous voulez mettre vos pieds, je serai plus à l'aise. Embarquez ! Qu'est-ce qui se passe concrètement quand il y a une mine ? C'est la, le souffle qui est très puissant, qui envoie une déflagration sur le blindage, qui se propage dans toute la caisse. Et tout ce qui est en contact direct, ça subit les dégâts. Donc lésions. Ouais, lésions, c'est souvent justement les jambes qui prennent quoi en premier, puisque les mecs ont les pieds posés par terre. Et comme on avait eu sur les premiers incidents, c'est des fractures au niveau des jambes. Quoi. Comme dit, on a quand même du VAB maintenant qui est bien blindé. Donc ça s'est limité à des petites fractures. Mais par exemple pour le dernier incident où c'était un autre véhicule, une autre sorte de véhicule moins bien protégé, là, ça a fait plus de dégâts. Parce que le mec justement il avait les deux pieds par terre et il a pris tout le souffle quoi, dans les jambes. Il a annoncé qu'on était embarqué dans une... Sergent Maxime. 3e régiment de génie de Charleville-Mézières. C'est ça ? C'est ça. 4e compagnie du combat de génie. C'est ça. Le 27 novembre dernier, on a eu un incident mine sur un PVP avec des personnels de notre propre régiment et de notre propre section victimes de la mine en question sur Abébara. Ouais. Alors, t'es où à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu fais ? Il est quelle heure ? Sois précis. L'heure, je l'ai plus en tête sur le moment, mais j'ai encore le bruit de l'explosion dans la tête. Je sais que j'ai un chef de groupe et plusieurs de mes soldats qui sont sur le centre-ville d'Abébara pour faire la reconnaissance d'un axe pour accéder à un puits d'eau. Et quand on entend l'explosion, on percute tout de suite qu'il y a un souci, et du coup on était j'étais de force de réaction rapide à ce moment-là avec mon groupe, et en l'espace de 5 minutes on avait sauté dans le VAB et on avait vu la fumée de façon venir du centre-ville. On avait tout de suite compris que ça venait de chez nous et on est parti dans la foulée sur le lieu de l'accident. Ça ressemble à quoi le paysage où a eu lieu l'accident, où vous arrivez ? C'est un petit village au milieu du désert, dans une cuvette près des montagnes au nord du Mali, donc avec un château d'eau au milieu, avec une pompe solaire qui vient pomper l'eau dans le sol, et qui est la seule source d'eau dans le secteur. Du coup, qui est vitale aussi pour nous militaires, ainsi que pour la population qui habitait Abébara, mais qui a donc quitté les lieux depuis un petit moment maintenant. Alors, moi, je suis le docteur Julie Parent. Je suis médecin en montagne médicale au 53e régiment de transmission du CMA de Nancy. Et là, je suis sur l'opération extérieure Barkhane depuis la mi-septembre. Le 27 novembre, je suis à faire mon soutien sanitaire au rôle 1 d'Abébara. J'y suis depuis le 24 octobre et on a une activité assez classique sur la journée. Une patrouille va sortir. Et moi, j'attends de voir s'il y a des patients qui viennent. Et le 27 novembre, on entend une explosion en dehors du camp. Il est 9h30, on entend l'explosion. Moi, je suis de FRR, c'est-à-dire je suis de garde, on va dire. C'est-à-dire, s'il se passe, exactement. S'il se passe quelque chose, c'est mon équipe qui décale, sachant qu'on est deux médecins et deux équipes médicales sur Abébara. Donc, on entend l'explosion. Moi, je me rapproche... Je me rapproche du CO pour essayer de comprendre ce qui se passe, voir où c'est. Les opérations. Tout à fait. Mm-hmm. Pour voir ce qui se passe, parce qu'on ne sort pas comme ça sans escorte non plus. Hein. On peut pas. C'est pas aussi simple que ça. Et donc là, on comprend petit à petit ce qui se passe. Et on comprend qu'il y a un PVP qui a sauté sur une mine ou un IED dehors. PVP ? Un petit véhicule protégé. Olivier, 32 ans, à l'armée depuis 12 ans maintenant, et brancardier secouriste. Et puis, une grosse explosion, un nuage de fumée. Donc, tu l'entends ça ? Ah oui, on l'entend bien, oui. On l'entend bien. Et puis, comme dit, c'était un bruit qui nous était familier maintenant, on sait d'emblée de quoi il s'agit. Pourquoi c'est un bruit qui t'est familier ? Parce que j'en avais entendu 4-5 avant ça quand même. On te surnomme le chat noir. Ouais, parce que justement sur ces 4-5, j'étais à chaque fois dans le coup, quoi. Pas loin de ces fameuses explosions à chaque fois, mais bon, à chaque fois j'ai eu à intervenir du coup. Et donc en 2 minutes, j'étais au volant de mon VAB prêt à décoller. Tous les moyens se sont mis en œuvre dans le camp pour aller intervenir sur cette explosion, quoi. Puis on avait au fur et à mesure les comptes rendus à la radio de ce qui s'était passé. Et puis là on a entendu qu'il y avait un blessé alpha, comme on dit chez nous. Donc là c'est blessé grave. Et donc toute l'équipe médicale, donc il y avait moi qui étais pilote, j'ai mon radio-tireur qui est placé à côté de moi. Il y avait Nicolas aussi, je crois. Nicolas, oui, exact, qui lui était radio-tireur ce jour-là. Le médecin et l'infirmier qui embarquent dans le VAB médical. Puis on décolle du camp, quoi, après l'intervenir avec les autres éléments en renfort. On était à... C'était quoi? C'était à 1,5 km... par la route à 800 mètres à vol d'oiseau. Et quoi, allez, 10 minutes de route. Donc tout près, c'était une zone qui était reconnue mille et une fois. Nos équipes sont passées mille et une fois par ces mêmes chemins. Et voilà. Fais voir. C'est quoi ça? Ça, c'est un PVP, ça. C'est quoi un PVP? Un petit véhicule protégé, ça veut dire. Voilà. Donc c'est le collègue qui a pété avec sur la mine. Giovanni, Corentin et comment il s'appelle l'autre? Giovanni, comment il s'appelait l'autre, celui qui est rentré à Paris? Geoffrey. Donc c'est là-dedans que Corentin, Giovanni et Geoffrey étaient. Voilà. Des formats qu'ils ont retrouvés dans le véhicule. Ah, ils ont complètement cramé. Oui. Il y avait 3. DHPM. C'est quoi DHPM? Détecteur magnétique. Ah ouais. Donc, pour les mines. Les poils à frire, ouais. Voilà. Ah, voilà. Ça, c'est un des VAB qui a pété, donc là, il a pété sur une mine. Donc il y a le tourello qui s'est complètement extrait du VAB. Quoi. Donc voilà. Un peu de dégâts, une roue en moins. C'est pas peut-être sur plusieurs angles. Donc c'est là-dedans que t'as sauté, toi? Oui, c'est bien ça. Après j'en ai des autres. Bon, en fait on était parti, on avait un chemin pour aller jusqu'à un château d'eau pour extraire l'eau pour qu'on puisse se doucher, tout ça. Et il y avait un endroit où le... Comment on appelle ça le véhicule qui va chercher la flotte? Je sais plus. Bah, c'est un grand véhicule en fait, un poids lourd avec une couille à eau qu'il y en a au-dessus qui va... Il y avait un endroit où il n'y arrivait pas trop à... circuler pour aller au château d'eau. Du coup, on devait agrandir un peu la piste et checker un peu la piste. Donc, il y avait 3 points où il y avait du mal à passer. On était parti pour aller au point le plus loin, pour venir au point le plus près. On a déposé le sergent sur le point le plus loin. Du coup, moi, je me suis mis à côté du conducteur et Dalin, c'était à l'arrière. Ouais. Moi, Geoffrey et puis Corentin. Ouais. On était parti pour faire demi-tour avec le PVP. Et c'est en allant faire demi-tour en fait qu'on a sauté. De là, on a fait un peu boule de billard, je me suis réveillé un peu dans le cosmos, je me suis retrouvé à l'arrière avec Corentin. De là, j'ai repris un peu mes esprits, je commençais à avoir des flammes qui rentraient dans le PVP. Et j'ai dit à Corentin qu'il fallait évacuer tout de suite en fait. Et je regarde aussi, je voyais plus Geoffrey, il était pas dans le véhicule en fait. C'est en sortant que je l'ai vu qu'il était un peu loin, il s'est fait éjecter par l'explosion. De là, j'ai proposé de faire un pick and run, de l'emmener plus loin parce qu'il y avait des mines dans le PVP. C'est quoi un pick and run? Pick and run, c'est en gros, c'est extraire le blessé, de l'emmener plus loin, le mettre en sécurité. Mm-hmm. Du coup, là, on l'a mis un peu plus loin. On a commencé à attendre les mines qui explosaient, qui étaient dans le PVP, parce qu'on avait des mines, des munitions. Mm-hmm. On l'a encore mis plus loin. Là, j'ai commencé à le checker, vérifier ce qu'il y avait comme blessure sur lui. Je lui ai découpé son pantalon au niveau de sa blessure. J'ai vu qu'il y avait une fracture ouverte. De là, j'ai proposé qu'on pose un garrot. Et en voulant poser le garrot, il y a le caporal-chef qui est arrivé. De là, c'est lui qui a posé le garrot. Je me suis mis un peu derrière pour soulager son dos parce qu'il se plaignait aussi de son dos. Après, moi, je me suis pas posé de questions tout de suite pour mes blessures. C'est seulement après, c'est mon sergent qui m'a évacué. Il m'a demandé si j'étais blessé, j'ai dit oui. Je voulais pas en prendre en compte tout de suite, j'ai préféré prendre en compte plutôt Geoffrey que moi, parce que lui, il est plus blessé que moi. Qu'est-ce que t'avais comme blessure? C'était plutôt des douleurs au dos, douleurs à la nuque, genoux et au niveau du bassin. Et c'était la deuxième fois que tu sautais sur une mine? Oui, deuxième fois, oui. Juste après, on a reçu un peu le blast, et sinon, pas blessé. C'est quoi le blast? Je sais pas, je pourrais c'est pas. Le souffle. C'est le souffle, oui, voilà, c'est ça. Je saurais pas comment vous dire, en fait, c'est comme un grand vent bien violent qui vient vous heurter, puis ça remonte un peu le cœur. Comme une grande montée d'adrénaline, en fait. Alors sur l'accident, ça a été très très rapide. On est arrivé sur les lieux, on avait déjà un grand mouvement qui était reconnu au préalable, donc on a pu s'avancer au plus près. Le chef de groupe qui était déjà sur place avait déjà fait une grosse partie de la reconnaissance, donc moi j'ai pu déployer mon groupe au plus vite pour aller sur les victimes qui étaient plus loin du véhicule. Et donc avec mon groupe, on a reconnu l'axe pour que les médecins puissent intervenir. Et nous, tout de suite, on nous a signalé donc une présence de deux personnels qui n'étaient pas de la force sur un mouvement de terrain en face à peine 600 mètres. Du coup, on a dû faire quelque chose qu'on dit tout le temps et qu'on ne fait jamais dans le génie, en règle générale, c'est quitter nos DHPM, nos détecteurs de métaux, pour détecter les mines, et le passer dans le dos pour récupérer le FAMAS et se transformer en groupe d'infanterie et tomber en garde face à l'ennemi, quoi. On fait un bond en avant, on se met en protection face à ce qu'on observe. Donc là, j'ai aucune idée de savoir si c'est un ennemi ou juste un habitant du coin qui voulait rentrer dans la ville ou quoi que ce soit. Première chose qu'on pense, c'est les ennemis, ceux qui nous ont posé la mine. Mais bon, tant qu'on n'en est pas sûr, il est hors de question de détruire. Donc on va déjà se protéger parce qu'on ne sait pas ce qu'ont en main les personnes en face. Voilà, notamment, elles étaient en train de courir dans la montagne qui était face à nous pour se cacher de nos vues et sont restées en observation sur la ligne de crête face à nous. Du coup, j'ai placé mon groupe, j'ai fait tomber en garde mon groupe face à ces personnels qui nous observaient. On avait une grosse suspicion que ce soit des personnels ennemis, mais sans en être sûr. Et on n'avait pas d'armement en vue, rien du tout, à part de personnels qui avaient couru devant nous. On a eu l'ordre de faire des tirs. J'ai dû faire donc du coup observateur pour mon tireur de précision. Et du coup, on a eu plusieurs fois l'occasion de tirer, mais c'est un warning shot, hein, donc on ne tire pas sur la personne, mais à proximité pour déclencher une réaction et voir si la personne est armée, va faire l'usage de son arme ou essayer de s'en aller et disparaître de notre champ de vision. Et en l'occurrence, que s'est-il passé ? Eh bien, on n'a eu aucun mouvement et au final, les personnels, on les a perdus de vue et du coup, ça s'est arrêté là, quoi. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là ? Un peu de frustration parce qu'on aurait bien aimé savoir qui était en face. Ça aurait été intéressant de savoir si c'était eux. Bon, bah après, la distance où ils étaient, là où on était et l'action qui se passait derrière nous était complètement différente, surtout que j'avais plusieurs choses à gérer en même temps, surtout d'éviter de se faire tirer dessus par ces personnes qui étaient face à nous, et en même temps, il fallait que je donne les ordres pour ramener un des personnels sur la patte à Bébara. Ça met combien de temps entre votre départ du camp jusqu'au lieu de l'accident ? Je suis arrivée sur le blessé 15 minutes. Et donc ce blessé, vous arrivez à son niveau, il a déjà été un peu pris en charge par ses camarades? Oui, bien sûr. Les combattants sont entraînés sur le plan sanitaire, ils font du sauvetage au combat de niveau 1. Donc ils font les premiers gestes, c'est eux qui ont sauvé leur camarade, hein. C'est pas nous, hein. Nous, notre boulot, c'est vraiment de mettre le blessé en vie dans le vecteur d'évacuation, mais les premiers gestes d'urgence, qui a sauvé le blessé, c'est ses camarades, en l'évacuant de la zone dangereuse, en lui mettant un garrot, ce qui a permis qu'il ne se vide pas de son sang. Il avait une fracture ouverte au niveau d'un membre inférieur, et donc ça saignait à ce niveau-là. Alors nous, on l'a immobilisé sur une planche, parce qu'il a quand même été éjecté de son véhicule. On l'a perfusé pour le remplir un petit peu et faire en sorte qu'il ne se vide pas de son sang. On lui a passé des différents traitements pour maintenir une tension artérielle correcte. Et puis voilà. Faire en sorte qu'il n'ait pas mal non plus. Et voilà. Et ensuite ? Le maintenir en vie. regarder les minutes. apprendre que donc il a fallu, on l'a évacué jusqu'au Vapsan. Le blindé sanitaire. Voilà, c'est ça, le blindé sanitaire, notre ambulance blindée. Donc on l'a évacué donc dans notre véhicule, on l'a amené sur la zone de posée hélico, qui est juste en face du camp d'Abébara. Et donc le but étant de le mettre en condition correcte pour qu'il puisse être évacué par hélico dans les minutes qui suivaient. Il arrive au bout de combien de temps l'hélicoptère ? Je vous avoue que j'ai perdu la notion du temps complètement sur l'intervention. Il y a des personnes pour qui c'est passé très lentement, d'autres pour qui c'est passé vite. Notamment pour moi, tout a été très vite. On n'a pas forcément tous la même perception des choses. Et puis, je vous avoue, je ne regardais pas ma montre, mis à part pour lever les différentes fonctions, notamment la respiration. Mais l'heure, pour moi, importait peu. Je n'étais pas focalisé sur ça, quoi. Les hélicos sont arrivés donc c'était 10h40. L'incident a eu lieu à 9h30, 9h25 et les hélicos devaient arriver à 10h45. C'était D'accord. ça. Donc 1h15 après l'incident. L'hélico s'en va, vous croisez les bras, vous le regardez partir et puis vous croisez les doigts, j'imagine. Ouais, c'est surtout ça. Je croise les doigts. J'espère que ça va pour mon blessé. J'ai rempli ma mission sur le papier, parce qu'on me demande de le garder en vie jusqu'à ce qu'il soit mis dans l'hélico. Et puis quelque part, tant que j'ai pas de nouvelles de la journée, ben en fait je suis en stress, quoi, parce que j'ai envie que ça se passe bien et qu'il vive. Hein. Mais c'est la première fois que vous intervenez sur un cas comme ça ou... Ah oui, dans le cadre d'une opération extérieure et sur un blessé dit Alpha, oui, c'est la première fois, oui. L'après-coup, après, une fois l'intervention terminée, l'évacuation faite, j'avoue qu'on est tous un peu retombés un peu en pression. C'est épuisant. Et puis on met quelques heures quand même avant de réaliser un petit peu tout ce qui s'est passé. Ouais. Quel regard vous portez sur ces jeunes, parce qu'ils sont très jeunes, même leur lieutenant a 25 ans, la plupart des hommes ont moins de 25 ans, quand c'est pas 19 ans. Effectivement, ils sont très jeunes. Moi, je les vois, pas forcément le génie là, mais moi, je les vois parce que je fais leur incorporation. Donc moi, je les vois quand ils rentrent à l'armée. Et effectivement, c'est des enfants, c'est des bébés. Je les revois 3 mois après leur formation initiale. Et déjà, les esprits commencent à changer. Ils sont toujours aussi jeunes, mais on voit déjà cette évolution. Et là, ils sont tout à fait capables. Et quelque part, je leur mets aussi ma vie. Je leur mets ma vie entre leurs mains, puisque s'ils sont pas là, je peux pas aller sur mon blessé. Et je suis obligée de leur faire confiance. Et je leur fais confiance, ouais, les yeux fermés. Ouais. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un an, un an et demi, vous accueillez des enfants et vous remettez votre vie entre leurs mains. Bien sûr. Ils mettent leur vie entre la mienne, mmh. Ils comptent sur moi s'ils sont blessés, mais moi, pour accéder aux blessés, je remets ma vie entre la leur. Et oui, si on devait recommencer, je le referais, j'irais encore une fois au contact du blessé pour les aider. Au prochain incident, ça va être dur et les probabilités sont fortes qu'il y en ait un qui survienne. Inch'Allah, comme ils disent ici. Hein. oui, c'est une possibilité, on en est encore tous conscients. C'est la méthode de fonctionnement des combattants qui sont ici. Voilà, c'est de l'IED, c'est de la mine, donc on sait que ça peut encore arriver. Mais bon, voilà. Comment ça se passe, cette transition de ces jeunes qui sortent du lycée, qui ont des copines, qui picolent, qui fument des joints, qui ont un iPhone, qui n'ont pour souci que leur confort, et puis tout d'un coup, la mort comme hypothèse de travail. Alors, quelles que soient les motivations pour lesquelles un jeune s'engage, il y a 4 milliards de possibilités différentes. Hein. Le jeune, il accepte les contraintes. Vous parliez du jeune qui boit, qui fait la fête le samedi soir, qui a sa copine, qui envoie 300 textos par jour, qui WhatsApp, qui fait ce qu'il veut. Bah, c'est mes jeunes. Et puis mes jeunes, ils ont bien compris qu'en opération et pendant 4 mois, bah, il y aurait très peu d'internet, surtout en plein milieu du désert. que la communication avec la famille, elle pouvait être parfois... Mais là, tu me parles de la rusticité, moi je te parle de la mort. Je crois qu'avec tous les événements qu'ils ont vécus en 2 mois de délai, ils ont effectivement tous compris et tous mûri sur cet aspect de la chose. Tu sais où il est, Piu Piu ? Giovanni. Alors un petit couscous pour tout le monde, sert d'oublier un peu les rations. Bah c'est de la ration, mais améliorée. C'est pour remettre un peu le moral, sert de pas oublier de manger de la maison. Puis sert de manger avec tous les camarades, un petit peu en section et parler un peu de la journée, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce que les autres ont fait quoi. Parce que ici dans le désert, on mange que de la ration de combat. C'est ça. Oui, ça dépend si les personnes après ont pris de l'amélioration, c'est-à-dire les pâtes, le riz, ce qu'on peut acheter, quoi. Dans l'armée, on appelle ça de l'amélio. L'amélioration, oui. Ouais. C'est-à-dire que dans votre camion, vous avez quelques paquets de couscous, d'huile, de... Oui, voilà, c'est ça. Ce qu'on a pu ramener de France aussi, parce que moi j'ai ramené un peu de pâtes de France, que j'ai mis dans mes sacs... pour se faire plaisir de temps en temps. Et sûr de manger avec toute la section et parler un peu de la journée, quoi, ce qu'on a pu vivre. Dire vous l'avez dit de vous-même hier, ça fait du bien manger ça autre que les rations. Je dois t'avouer qu'hier j'ai pas trop reconnu le plat parce que c'était. Je suis arrivé à la fin, c'était froid. Bah même nous on avait mangé froid, c'était le reste de ce midi qu'on avait vu déjà plus gros que le ventre, c'est quoi de le dire. Et ça a un peu réchauffé, c'était du riz avec une ration, c'était bœuf carotte. D'accord. C'est bon, c'est prêt? On va laisser reposer un petit peu puis ce soir ça sera histoire que ça prenne un peu le goût. T'as vu des sales choses ici? Ici, oui, parce que j'ai moi-même été impliqué dans un incident mine, le 27 novembre. J'ai vu un de mes camarades blessé grièvement. C'est même nous qui l'avons sorti avec un autre de mes camarades du véhicule, et qui lui ont donné les premiers soins. Donc oui, c'est sûr que c'est des images qui resteront toute ma vie dans ma tête, je pense. Mais il fallait se préparer à voir aussi ce genre de choses ici. Comment tu te préparais à ça? On peut se préparer en France à se dire qu'on va voir des images vraiment horribles, mais au final on n'y est jamais vraiment préparé, je pense. C'était un pote? Enfin, c'est un pote, parce qu'on va s'en réjouir quand même qu'il soit parmi nous. C'est vraiment un jeune parce que ils venaient de sortir de ses classes en fait. Ils sont sortis des classes, ils ont fait une mission sentinelle et ils sont tout de suite partis sur cet OPEX. Enfin, je le connaissais un peu. Mais bon, ça fait toujours quelque chose, même si c'est pas quelqu'un de proche. Là. Ce jour-là, on s'attendait un peu au pire. On a eu de la chance. Parce que c'est vrai que je me suis même pas posé la question savoir si les deux individus dans les montagnes auraient pu nous tirer dessus, c'est vrai. Sur le coup, c'était surtout le sortir d'affaires, quoi. Et nous éloigner de cet endroit. Moi, sur le coup, je suis reparti deux jours plus tard, je suis reparti sur les lieux de l'incident, dans le même type de véhicule. Bon, c'est sûr qu'il y a toujours une angoisse, mais... Mais ça va, je pense qu'il faut repartir aussitôt si on reste au camp à l'écart, on repart plus, c'est sûr. Ouais. Ça motive encore plus à penser que notre mission elle est nécessaire, elle est utile ici dans ce pays. Voilà, je me sens encore plus impliqué dans la mission, je pense, le fait de mon incident. Ça me motive encore plus à faire mon métier. Ah mais pendant quelques jours, vous êtes vraiment pas bien. Vous pensez à votre famille, aux blessés surtout. J'y pensais tous les jours. On revit souvent l'incident. Moi, je crois que je passe pas une seule journée sans penser à cet incident-là. Mais voilà, il faut continuer la mission. Là, il nous reste un mois et demi. On va les finir au mieux. On sera toujours à fond dans la mission, quoi. Je suis pas convaincu par les explications qui m'ont été données plus tôt sur l'appellation Piu Piu. Bah, Piu Piu, ça a été donné pendant mes classes. Ouais. C'était, je me souviens, c'était l'exercice renforcement musculaire. Et ça a été donné le nom Piu Piu parce que j'étais le petit oiseau volant, quoi. Tu veux dire, t'as pas trop de muscles? Bah, oui, je suis le petit bonhomme qui est pas fort musclé et puis on m'a donné le surnom Piu Piu, quoi. Vous étiez ensemble, Giovanni et toi, pendant les classes? Oui, on était ensemble. Depuis le début, on est ensemble, dans le même groupe en plus. Parce que tu m'as battu, c'est pour t'es content? Ouais. Vous faites un concours de barbe? Ouais. Parce qu'on est les deux seuls qui n'ont pas de barbe, donc... On essaye de voir qui en a le moins ou qui en a le plus. Vous déprimez, caporal, ou quoi? Non, je viens de récupérer de la musique, alors du coup, j'écoute ce que c'est. Du coup, vous allez pleurer. Je pense à toi, ma chérie. Et malgré tout ça, t'es encore là? Oui, parce que j'ai décidé... j'ai préféré rester ici... Quand j'étais évacué, quand on a pété avec le PVP, ils m'ont posé la question si je voulais rentrer en France ou revenir avec mes camarades. Non, pas revenir, mais ils m'ont pas posé la question si je voulais rentrer parce que pour cause psychologique. J'ai préféré rester ici parce que c'est le seul moyen pour moi d'évacuer tout ça en fait. Je me sentais plus avec mes camarades que tout seul en France. Après, il y aurait ma famille qui aurait pu m'aider, mais. Je me voyais plus dans l'objet de... J'ai commencé une mission et je tenais à la finir. Et j'imagine que après cet événement, t'as discuté avec tes copains, t'as discuté avec le lieutenant, avec ton chef. Oui, bien sûr. Bah, ils m'ont un peu félicité parce qu'on a quand même un peu sauvé... Un peu. On a sauvé la vie de Geoffrey. Parce qu'il était entre la vie et la mort. Il a perdu la moitié de son sang quand même. Ils étaient contents quand même que je sois revenu. Ils pensaient pas que j'allais revenir à la base. Du coup, ils étaient assez contents de me revoir revenir et puis un peu en pleine forme. J'imagine que tu y penses encore. Bah, de moins en moins en fait. C'est plutôt la nuit quand je suis seul et qu'il y a personne qui vient de me parler. C'est à ce moment-là que j'y pense en fait. C'est pas le fait d'avoir pété sur la mine qui me tracasse. Le plus, c'est d'avoir vu Geoffrey comme ça allongé à terre, un peu avec le sang, tout ça, ça m'a plus bloqué, c'est ça. Ouais. Ça m'a plus choqué. Le fait que lui, il soit dans un. C'est que de le dire un peu dans un sale état et moi en pleine forme, c'est ça qui m'a plus choqué en fait. Ça me fait penser plutôt à ça. Et donc, les images qui reviennent, c'est Geoffrey par terre. Entre autres, c'est ça, d'avoir vu Geoffrey blessé, un peu grièvement blessé. Et moi, rien à voir, quoi. Tu te sens presque coupable, c'est ça? Oui. Quand même. Puis c'est... Geoffrey, c'était un mec qui était avec moi... C'est un mec de mon contingent, déjà. Qui était dans mon groupe au CFI, qui était dans mon groupe au régiment. Pendant mon groupe aussi, pendant la FACQ. Donc c'était un mec avec qui j'étais vraiment proche. C'est qu'on va dire comme un petit frère, Geoffrey. Donc c'est ça qui m'a beaucoup blessé en fait. Parce que vous vous êtes engagé presque en même temps, c'est ça? En même temps, exactement. Le 1er septembre 2015. D'accord. On a fait connaissance de notre groupe et c'est de là qu'on a commencé à sympathiser. Et comme c'était un peu quelqu'un qui était un peu comme moi, on va dire, il y avait à peu près les mêmes pensées, on a vécu un peu les mêmes choses. Un peu comme toi, c'est-à-dire? Ben, physiquement, on pensait les mêmes choses. Puis, je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, c'était une personne qui était fort proche de sa famille et qu'il s'est très vite débrouillé tout seul. Il a beaucoup voyagé déjà. Il s'est beaucoup démerdé tout seul. Il cherchait un petit peu de travail à droite à gauche. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu en lui, parce que c'était un débrouillard, quoi. Et toi, t'es débrouillard ? Oui, aussi. Qu'est-ce que tu faisais, toi, avant l'armée ? Je travaillais dans le bâtiment. T'as quel âge, déjà ? J'ai 23 ans. Non, 24 ans, je vais avoir 25 ans au mois de mai. Tu travaillais dans le bâtiment ? Oui. Je travaillais avec mon parrain, après avec mon grand-père aussi. Je faisais aussi un peu de black aussi, à côté. Je faisais des vendanges, parce que mon père est chef de vigne aussi. Avant de travailler dans le bâtiment, on va dire que je me laissais un peu crever chez moi. Ouais. Mon père, il se plaignait de tout ça parce que j'aimais pas l'école, du coup j'allais pas à l'école. Pourtant, j'avais un bon truc, j'étais en CAP, patron bâtiment. Mais moi, le seul truc qui me plaisait, c'est le travail, quoi, c'était pas les cours. Et du coup, après, j'ai arrêté tout ça. J'ai pas eu mon CAP, du coup. Bah, je restais chez moi à rien faire, en fait. Du coup, mon père, à chaque fois, il me faisait le reproche. T'as eu de la chance de pas avoir connu l'armée comme on l'a connu. Et du coup, tout ça me cogitait, Et d'un côté, ça me plaisait, mais j'étais pas sûr de réussir l'armée. Pourquoi ? Ben, pour moi, c'était assez physique. C'était assez rude, assez rustique, on va dire. Et il me fallait un peu d'entraînement pour pouvoir réussir. J'étais à Nancy pour passer mes 3 jours. C'est suite à ça que je me suis engagé. Tu repartiras au Mali ? Oui, parce que ça reste le théâtre le plus opérationnel. Mais t'auras envie de repartir au Mali ? Oui, bah bien sûr, oui. Ah oui, j'ai encore quelques années devant moi et j'en ai pas fini, je suis pas assez vieux pour m'arrêter. Et pourquoi tu t'es engagé ? Pourquoi ? Pourquoi ne pas m'être engagé plutôt ? Parce que j'ai fait pas mal de petits boulots avant j'ai vu qu'ils me faisaient vite chier. J'en ai testé pas mal et au final, il y a qu'à l'armée que je ne me lasse pas. C'était quoi cette job ? J'étais serveur, j'ai bossé en boîte de nuit, je retapais des vieux fauteuils aussi. C'est en intérim un peu. La manutention, quoi. Mais vite lassant. Ouais. Et ça s'est passé comment, la décision ? Un ras-le-bol, je me trouvais pas, on va dire, et puis. Puis c'est un truc que j'avais toujours dans le coin de ma tête, et puis voilà, jusqu'au jour où j'ai franchi le cap, quoi. Tu faisais des conneries à cette époque ? Oui, mais rien de méchant. Ouais. Rien de bien méchant. Je me suis jamais fait attraper, en tout cas. C'est des jeunes qui pour certains ont 19 ans, qui ont déjà eu des problèmes parfois pour certains avec la justice, sur lesquels certains n'auraient jamais parié, et qui ici sont des héros et qui sont prêts à sacrifier pour aller sauver des camarades. Donc c'est vrai que moi je suis fier de les commander, et quand je vois ça, j'ai pas le droit d'être faible quand je les vois, eux. Donc je pense que c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que dans la relation de commandement, moi j'essaie de les tirer vers le haut, en quelque sorte. Donc c'est vraiment une relation dans les deux sens. Il y a des moments où les grades s'effacent un peu, et où on est juste des frères d'armes qui servent leur pays et qui sont loin de leur famille et qui essaient de faire au mieux au jour le jour. Et voilà, j'hésite pas à dire à mes hommes que oui, effectivement, moi aussi j'ai eu peur. Moi aussi, quand on avait notre camarade qui était dans le VAB en train de hurler, ça a été un moment difficile, moi aussi ça m'a touché, et ça j'hésite pas à leur dire, parce que c'est pas une faiblesse. Parce que c'est pas une faiblesse, au contraire, la faiblesse, ça serait de malgré ça, d'abandonner et dire que on n'est pas utile, alors qu'au contraire, notre mission elle est essentielle. Je veux dire, sans nous les sapeurs, clairement, la mission Mali elle aurait de grandes difficultés. Mes mecs, c'est des héros. On a l'impression que ça sert pas à grand chose quand même de faire une lessive dans le désert comme ça, au milieu de la poussière. Non, c'est sûr. Mais bon, c'est pour le confort quand même. Qu'est-ce que tu cherchais ? Bah, prouver déjà à ton père. À mon père. Pour ma grand-mère aussi, parce qu'elle aimait aussi ce métier. Elle était fière quand même que j'aille m'engager. Comme elle est partie aussi avant que je m'engage, donc je voulais aussi lui prouver. Puis aussi pour moi-même, pour ma fierté, pour. Comme j'aime un peu aussi le goût de l'aventure, un peu le goût de l'effort quand même. Du coup, tout ça, ça m'a permis d'aller dans l'armée. Et t'as trouvé ce que tu cherchais ? Exactement. C'est exactement ce que je recherchais, c'est exactement ce que je pensais de l'armée. Je pouvais pas faire mieux, de toute façon. Il n'y a pas mieux que être dans l'armée de terre. Quoi ? Parce que c'est... Déjà, avoir des camarades... aussi soudés, la cohésion, tout ça, c'est super. Qu'est-ce que c'est, les camarades, la cohésion ? Pourquoi c'est différent ? Je sais pas comment... Peut-être que Caporal pourrait vous dire, mais... Plus Thomas ? Bah, c'est-à-dire qu'à l'armée, on a fait les mêmes galères, quoi, on va dire. Hein. Mmh. On vit ensemble à 24, déjà, pendant la classe, pendant 6 mois. Donc on se connaît par cœur, on ramasse autant les uns que les autres, déjà. Et voilà quoi. Et on fait tout ensemble, et puis du coup bah, ça crée des liens, et on est soudés quoi. Donc voilà. C'est ça ? C'est exactement ça. Le fait de voir. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus fortes que d'autres dans des domaines, il y a des endroits où on va pouvoir l'aider, et lui il va pouvoir t'aider dans un autre moment. C'est le fait que. C'est quoi toi ton point fort ? J'ai pas vraiment de point fort, moi, c'est... Je sais pas comment... Alors là, je saurais même pas vous répondre à ça. C'est quoi le point fort pour de moi, Giovanni ? Giovanni ? C'est qu'il travaille bien, quoi. Hein. Il écoute les ordres, il exécute, et voilà. Quoi. Et le point fort, et ton point fort, toi, Thomas ? Moi, bah, moi, c'est plus en tant que place de radio-tireur, donc dans un VAP, quoi. Parce que j'adore ça, la radio et la 12-7, quoi. Donc ça, c'est ma place, quoi. Mais est-ce que parfois... Ça vous embête pas d'exécuter des ordres ? C'est possible que ça... Mais après, c'est l'armée, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Moi aussi. Si, c'est chiant. Pour ça, je passe l'examen, on passait plus vite. Après, ça tu veux dire pour monter en grade ? Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Après, ça dépend les ordres, pourquoi... Ouais. Il y a des choses qui vont plus vite nous saouler, mais après, c'est comme ça, c'est l'armée. On a choisi, on a signé, c'est pour en chier, puis on y reste. Mais cette vocation de militaire, elle vient d'où ? C'est une quête de quoi ? C'est une envie de servir ? C'est un rêve, quoi, quand on les voit à la télé. Voilà, c'est quand même un exemple qu'on a envie de suivre. Okay. Ça fait combien de temps que tu es dans l'armée ? J'ai fêté ma 4e année ici, au Mali. Donc à 19 ans, tu t'es engagé ? Voilà, c'est ça. Je venais de finir mes études et comme j'avais toujours voulu m'engager, c'est la première chose que j'ai fait en sortant de l'école. Quoi. Alors moi j'ai fait mes études à Saint-Laurent, c'était un bac pro gestion des milieux naturels et de la faune. Où ça ? C'est où Saint-Laurent ? Oui, dans les Ardennes, juste à côté de mon régiment, Charleville. Okay. Je voulais être soit garde ONF ou soit militaire. Donc, j'ai fait mon premier choix. Je me suis rendu au CIRFA. Alors CIRFA, c'est le centre de recrutement de l'armée. Mmh. Et là-bas, ils m'ont proposé plusieurs armes. Et j'ai finalement choisi le génie. Parce que pour moi, c'est l'arme la plus intéressante. Et on est quand même un acteur majeur dans les conflits actuels. On est très important dans un théâtre, surtout comme celui-ci, le Mali. C'est une autre vie quand on passe du monde du civil au militaire qui est plein de règles et qui est plutôt sévère. C'est toujours difficile au début, mais après, c'est ce que je recherchais, je pense. Donc non, je suis très bien à l'armée maintenant. C'est même un monde que j'aurais du mal à quitter, je pense, dans ma tête, mais je pense que quand on est militaire, on le restera toute sa vie. Après, je pense qu'en quittant l'armée... Je rejoindrai des institutions comme la police ou la gendarmerie, ce qui me permettra toujours de servir mon pays, mais beaucoup moins risqué, je pense. C'est quoi ? C'est l'ordre ? C'est l'aventure ? Qu'est-ce qui t'anime ? Ou la camaraderie ? Oui, C'est vraiment... Ça reste des structures carrées où on a des ordres, c'est... Comment dire? Ça me permettrait de rester toujours dans cette ambiance, si c'est la gendarmerie que je choisis, bien sûr, dans cette ambiance militaire. Donc j'imagine que tu vas être radicalement changé quand tu vas rentrer en France. Bah ça c'est évident. Ça, je suis déjà plus le même qu'au moment de mon arrivée à Gao, quand je suis arrivé au Mali. Ça. Donc c'est vrai que ça a été un aboutissement. Et puis là maintenant, dans une prendre commander une section dans un cadre aussi opérationnel, c'est ça peut que me changer. Évidemment, j'ai un regard totalement différent sur la manière de faire. J'essaie d'être le plus naturel possible et je me rends compte que c'est ça qui marche le plus finalement en fait. Effectivement, je vais être changé et ma femme, ça va lui faire bizarre quand on va se revoir, je pense. Mais est-ce que tu as peur de te sentir à part ? Je pense que sur cette idée, c'est vrai que je pense que la grande peur qu'on a tous finalement, effectivement, c'est ce retour et de l'incompréhension en fait. Des gens dans le civil qui vont, je le vois très bien, qui vont me demander bon, alors c'était comment le Mali ? Tu t'es bien éclaté ? Oui, effectivement, j'ai fait ce pourquoi je me forme depuis des années. En fait, c'est ce mélange, j'en suis extrêmement heureux. Mais en même temps, c'est des moments extrêmement difficiles et on ne peut pas dire qu'on s'amuse. Et c'est vrai que ce soit avec la famille proche, comme avec les amis, il y a des sujets qu'effectivement, je pense que je n'arriverai pas forcément à aborder, au moins dans un premier temps. Et par exemple, ma femme, c'est vrai que ça, au début, je pourrais pas forcément tout lui décrire tout de suite parce que déjà 4 mois loin de chez soi c'est extrêmement long. Quand il faudra évoquer les incidents, parce que il y a deux plans. Il y a le côté incompréhension, parce que pourquoi tu veux y retourner, pourquoi tu veux continuer, donc ça faudra l'expliquer. Et il y a ce côté là et puis il y a aussi ce côté que de toute façon les mots qu'on emploiera ne rendront pas forcément ce qu'on a vécu, la tension que ça peut être, et c'est vrai que ça fait un peu peur, mais bon. Et ça va faire drôle quand même de rentrer en France, dans un pays où tout le monde se plaint, dans un pays où, je sais pas, où est-ce que tu vas pouvoir raconter à tes proches, à ta copine, à ta famille, à tes voisins, tout ce que tu as vu ici ? Peut-être pas tout, raconter une bonne partie, oui. Mais pas tout non plus, quoi. Tu vas garder tout pour toi? Non, pas tout. Après, faut pas non plus... Ils savent où on est, les risques qu'on a, de toute façon. Mais ils savent ce que tu vis ou pas? Oui, ils connaissent. Ils savent exactement. Ils sont doutés. Mais non, ils connaissent pas. Qui peut connaître ce que t'as vécu? Ah, ce que j'ai vécu, ici? Ouais. Non, au contraire. Non. Ça, ils peuvent pas le connaître. Et... leur en parler, je sais pas, peut-être pas. Je sais pas ce qui s'est passé ici, on va dire que ça reste ici, quoi. Après, on rentre en France, pour nous c'est bon, on est rentré, on va revoir tout le monde, et puis voilà, quoi. Café ? Café. Un petit café. C'était au Mali, faire la guerre à 20 ans. Coordination Perrine Kervran, attaché d'émission Marivonne à Bolivier, mixage Olivier Dupré, un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Guillaume Baldi. Merci pour votre venue, merci de nous écouter et de diffuser le plus largement. Toujours ça de pris. Vous avez encore du café? Non. Avec Docteur Julie, Adjudant Anthony, Capitaine Richard, Lieutenant Rémy, Caporal Chef Olivier, Sergent Maxime, Caporal Thomas, Première Classe Giovanni, Caporal Chef Nicolas, Caporal Corentin, Première Classe Clément, Première Classe Piu Piu. Remerciements à la 3e section de la 4e compagnie de combat du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières pour son accueil au Nord-Mali.